Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une très belle légende. L'enfance de la chouette Soren est bercée par les récits épiques que son père lui fait à la tombée de la nuit. En départ de son jeune âge, le vaillant oiseau rêve déjà de se joindre à ses héros favoris, les gardiens de Gaol, ces guerriers ailés qui sauvèrent le royaume des chouettes de l'emprise maléfique des sangs-pus. La légende parle d'un groupe de nobles guerriers, connus sous le nom de gardiens de Gaol. Chaque fois qu'un danger menace, allez les trouver, car ils se sont jurés de protéger les innocents et de vaincre le mal. J'arrête là, peut-être. Quoi ? Non ? Oh, mais c'est mon passage préféré. Soren, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Là, je porte le dernier coup. Les gardiens gagnent, blablabla, ils rentrent chez eux. Fin d'histoire, trouve quelque chose qui existe. Ils existent. Imagine, perché sur une grande falaise, avec les gardiens, prêts pour la bataille. Allez, viens, on fait la course. Qu'est-ce qui se passe ? Nous devons trouver les gardiens. Ils sont les seuls à pouvoir nous sauver. Nous formons une famille maintenant. Nous les trouverons ensemble. Quand vous avez volé aussi loin que vous le pouvez, vous êtes à mi-chemin ! Le royaume de Gaol, la légende des gardiens, un DVD Warner Home Video.